professionnels, commandez maintenant sur bernard.fr. Expert en hygiène, entretien et sécurité en entreprise, Bernard contribue à rendre vos espaces de travail plus propres, plus sûrs et plus respectueux de l'environnement pour le bien-être de chacun. Ayez le réflexe bernard.fr. Simple et pratique, Bernard, c'est 20 000 produits d'hygiène, d'entretien et de sécurité livrés rapidement dans vos locaux. Bernard.fr, tout pour faire briller vos espaces de travail. France Inter. Bonjour, c'est Stéphanie Duncan. Je vous propose une série de 6 portraits de femmes hors du commun qui, du 18e au 20e siècle, à un moment de leur vie, ont décidé de s'affranchir des conventions, de larguer les amarres et de partir à la découverte du monde. Aventurière, épisode 6, Isabelle Eberhardt, qui dans les années 1900, déguisée en homme, s'est prise de passion pour l'Algérie. Un épisode diffusé le 3 juin 2023. Le 28 octobre 1904, à Aïn Sefra, en Algérie, après 7 jours de recherche, le corps sans vie d'un jeune homme est retrouvé dans la boue après la crue d'un oued. Le jeune homme s'appelait Sim Mahmoud. Tout le monde le connaissait. Vêtu d'un burnou et d'un turban, il sillonnait le désert à cheval et discutait des heures avec les vieux sages soufis ou une cigarette à la main avec son ami le général Lyautey. Mais le jeune homme mort est en réalité une jeune femme, née très loin du désert, Isabelle Eberhardt. Née en Suisse d'une mère russe, de père inconnu, cette bâtarde a choisi très jeune de s'affranchir des conventions. À une époque où les femmes peuvent à peine sortir dans la rue sans chaperon, elle, s'habillant en homme, enivrée par l'Orient des romans de Pierre Loti, décide à 20 ans de quitter l'Europe pour l'Algérie. Le choc, à la fois sensoriel, esthétique et spirituel, est à la hauteur de sa soif de liberté. C'est là, en Algérie, qu'Isabelle Eberhardt va accomplir son rêve, devenir écrivaine. France Inter, Stéphanie Duncan, autant en emporte l'histoire. Karel Ménine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivaine, vous connaissez bien Isabelle Eberhardt, à laquelle vous avez consacré une exposition, c'était en 2019 à Genève. Isabelle Eberhardt est née en 1877 à Genève. On peut dire qu'elle est suisse, d'une certaine manière, mais ce genre de dénomination chez elle, j'imagine, ne veut pas dire grand-chose. Comment elle-même se définissait-elle ? Alors c'est toute la difficulté lorsqu'on parle d'Isabelle Eberhardt, c'est plutôt d'essayer de voir comment on peut sortir des définitions qui lui ont été plaquées dessus. Mmh. Et il y en a beaucoup, et malheureusement elles ont souvent fait barrage à l'œuvre littéraire d'Isabelle Eberhardt. Donc on pourrait dire qu'elle se dirait nomade, elle pourrait dire que sa patrie était l'islam, mais déjà en disant ça je fais des parenthèses. Alors, restons très concrets, elle est effectivement née à Genève d'une famille exilée russe qui fuyait le tsar et qui était plutôt anarchiste. Elle est effectivement sans père, vous l'avez dit. On lui en a prêté beaucoup. On a dit que notamment même Rimbaud, qui était passé à Genève, aurait pu être son père. Donc, elle est suissesse. Elle va être, par mariage, par alliance, de nationalité française à un moment donné. Oui, parce qu'elle se marie avec un Algérien de nationalité française, un soldat. Exactement, Slimane Henni, qui était un cavalier spahi, qui lui a, comme il s'était dédié à la France, lui a permis par mariage de trouver la nationalité. Oui. Cela étant, c'est pas pour ça qu'elle a épousé, je crois que c'était vraiment un vrai coup de cœur. D'amour, voilà. Oui. Et ensuite, elle était, on pourrait dire, j'ai envie de vous dire comme ça, fille du sable, c'est-à-dire amoureuse profondément de l'immensité désertique, mais pas pour l'orientalisme ou l'imagination exotique, mais pour vraiment ce que ça représentait. Rappelez-nous quand même, Karel Ménine, sa jeunesse, donc ses parents, vous l'avez dit, sa mère, Nathalie de Mordeur, c'est l'épouse d'un sénateur aristocrate militaire russe, qui a beaucoup d'enfants. Elle arrive en Suisse parce qu'elle veut se reposer, elle est d'une santé fragile. Elle a plusieurs enfants, mais en 1877, il y a une petite fille qui naît, c'est Isabelle, qui en fait est de père inconnu, puisque le mari est mort à ce moment-là. Tout à fait. Alors, quand Nathalie de Mordeur arrive à Genève, elle a déjà 4 enfants et elle embarque le précepteur qui est Trofinovski, qui va être très important pour Isabelle Eberhardt. Peut-être son père, d'ailleurs. Alors, elle le dénie, hein, cette information. Elle va, à un moment donné, Eberhard parler du fait qu'elle est fille d'un viol, puis elle va revenir dessus. Tout ça est, bon, à prendre toujours avec délicatesse. On n'en sait rien, quoi. Non, disons, voilà. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle n'a pas de père officiel, que c'est comme ça qu'elle est notée dans sa feuille de naissance. Elle est quand même élevée par sa mère et par ce monsieur, donc Trofimovski, qui est un drôle de personnage, un ancien moujik, un ancien prêtre et anarchiste. Donc, elle va être élevée dans cette... loin du... aussi dans une maison un peu à part aussi. Ils vont pas à l'école, les enfants, et ils sont élevés par ce précepteur. Drôle de précepteur qui leur enseigne Rousseau, Bakounine, enfin c'est une éducation assez particulière. Mais on peut dire, alors elle a baigné dans une éducation très riche, on peut imaginer, et ses écrits le disent, qu'à la table familiale, ça discutait politique, ça discutait art, ça discutait anarchie, il y avait une idée de la révolution politique et artistique. C'est une femme extrêmement intelligente, Isabelle Eberhard, brillante, polyglotte, donc ah oui, douée en langue. Extrêmement polyglotte, elle parle... L'anglais, l'allemand, oui, le russe, elle a appris l'arabe, elle apprend l'arabe aussi, parce qu'elle veut connaître les pays arabes. Elle est très vite attirée. Bon, il va y avoir des rencontres qui vont compter, peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais des rencontres vont occasionner son amour. Alors, du pays arabe, de la langue arabe, de l'islam. Oui, elle lit le Coran, très jeune. C'est tout. Alors, fin 19e, c'est l'orientalisme, mais c'est pas dans ce bateau-là qu'elle va s'inscrire. C'est vraiment dans une quête d'humanisme. Et son islam à elle, c'est un islam soufi. Donc, c'est cette branche de l'islam très particulière qui fait sauter tous les dogmes et qui est très humaniste. C'est quelqu'un, on pourrait dire, qui est existentialiste. Elle va recueillir dans sa traversée du désert l'altérité. Et dans l'altérité, elle va aller chercher la reconnaissance. Composition de soi, c'est-à-dire nous ne sommes que l'addition de la multitude, et ça la définit. Et très jeune, elle veut écrire, elle veut devenir écrivaine. Oui. Son premier livre, elle l'écrit à 18 ans, le titre est assez étonnant, Infernalia Volupté Sépulcrale. Alors, c'est les titres de jeunesse. Mais elle va d'abord publier des nouvelles. Elle sera évidemment malheureusement très peu éditée de son vivant, surtout des articles de presse et des nouvelles. Mais elle a une volonté d'écrire immédiate, on le sait par ses lettres aussi. Et elle va prendre conseil. Alors, vous avez parlé de Pierre Loti. Elle était quelqu'un qui dévorait les frères Goncourt et leur journal. Elle est une immense lectrice. Elle est fan de certains auteurs à qui elle va écrire. Et puis, elle va prendre son chemin d'écriture en voyageant. Karel Ménine, je propose qu'on poursuive tout à l'heure cette discussion. Tout de suite, Isabelle Eberhard, La Vagabonde des Sables, un texte de Christelle Mouchard, écrit spécialement pour Auteur n'importe l'histoire. Réalisation, Cédric Ossir. C'est fini. Inutile de résister. Je ne pourrai pas sortir. L'eau monte. Une eau jaune comme le désert. Quelle ironie. Je vais mourir noyée. De la malaria, de l'alcool, oui. Ou assassinée, ou desséchée par la soif dans le sable, mais noyée. C'est le moment de dire adieu à mes amours. Ne pleurez pas. Vous savez que je ne tiens pas tant que ça à la vie. Vous me l'avez si souvent reproché. Adieu. Le 21 octobre 1904, Isabelle Eberhard meurt dans la catastrophe d'Aïn Sefra. Gonflés par les pluies, trois oued se sont rejoints pour former un torrent de boue qui a envahi en quelques minutes les quartiers riverains de cette petite ville d'Algérie. Isabelle Eberhard se trouvait dans une des maisons inondées, la seule qui se soit effondrée sous la force du courant. Elle avait 27 ans. Au-dessus de la vallée, sur la hauteur d'Aïn Sefra, se dresse un poste militaire. De là, les légionnaires ont assisté, impuissants, au désastre, avant de descendre à porter les premiers secours aux survivants. Le général Lyautey, présent sur les lieux, charge aussitôt quelques-uns d'entre eux de fouiller les ruines à la recherche de la jeune femme disparue. Soldat, vous l'avez trouvée ? Non, mais j'ai trouvé le corps d'un garçon. Ou d'un très jeune homme, je sais pas. Vous voulez voir ? C'est elle. Vous voulez dire... C'est une fille. Fille ou garçon. Mahmoud ou Isabelle. Elle était les deux à la fois. On m'en a parlé, mais je... Je m'attendais pas à la trouver si jeune. Éternellement jeune. Soldat, il faut encore chercher. Il doit y avoir des papiers quelque part. Beaucoup de papiers. C'est cela qu'il faut sauver maintenant. Elle était journaliste, non ? Écrivain. Mais elle ne publiait pas, ou presque pas. C'est pourquoi il faut retrouver ces manuscrits. J'en ai quelques-uns, je crois. Ça flottait là-bas. Attendez. Les voilà ! Ils sont abîmés, bien sûr. Oui. Trempé, mais lisible. Heureusement. C'est le printemps. Et sous ses apparences de langueur, la vie couve, violente, pleine d'amour. Oui. C'est bien son écriture. Fouillez encore. Il faut tout sauver. Pardonnez-moi, mon général, mais... Vous semblez lui être très attaché. Oui. Très attachée. Elle était ce qui m'attire le plus au monde. Une réfractaire. Elle était hors de tout préjugé, de toute inféodation, de tout cliché. Elle passait à travers la vie comme l'oiseau dans l'espace. Quel régal. Réfractaire, libre, singulière. Tout cela, Isabelle Eberhardt l'était. Par choix, mais aussi par naissance. On aurait difficilement trouvé, en effet, une famille plus étrange que la sienne dans la très sage ville de Genève où elle avait passé sa jeunesse. 7 ans plus tôt, au printemps 1897, Isabelle Eberhardt a 20 ans. Ce n'est pas sa fragilité qui frappe les visiteurs admis dans la vaste demeure où l'excentrique Trofimovski, le précepteur, veille sur ses élèves. L'une des plus fidèles, l'étudiante russe Vera Popova, préfère qualifier de « sauvageonne » l'énigmatique créature dont elle est devenue la confidente. Une sauvageonne à laquelle elle va bientôt devoir dire adieu. « Veuillez agréer, cher professeur, etc., etc. » Un coup de buvard et c'est bon. Dis-moi, Isabelle. Vera. Qui est ce Nicolas que tu mets en signature ? Tu m'as fait peur. C'est pas bien de lire par-dessus mon épaule. Je sais, mais avec toi, je ne regrette jamais mon indiscrétion. Tu es une mine de surprise. Dis-moi donc pourquoi tu signes ta lettre Nicolas Podolinski. Crois-tu qu'un professeur d'arabe me répondrait s'il savait que je suis une fille ? Tu veux apprendre l'arabe ? J'en ai déjà appris les bases. Mais je vais pouvoir le parler vraiment. L'arabe, le grec, le latin, le français, l'allemand, le russe... À quoi bon toutes ces langues ? Pour voyager. Mais tu n'as jamais quitté Genève. Si, regarde ces enveloppes. J'ai des correspondants partout. Eugène Le Thor de la Légion étrangère. Édouard Vivigorci, marin à Marseille. Celui-là, je lui ai fait croire que j'étais matelot, moi aussi. Il m'écrit comme un camarade, avec plein de mots vulgaires. C'est amusant, non ? Curieux passe-temps tout de même. Mais que veux-tu ? J'étouffe ici. J'aime cette maison, et tu sais comme j'aime mon tuteur, mais... Cesse donc de dire mon tuteur. Voyons, Isabelle, à moi tu peux dire mon père. Mais je ne sais pas si c'est mon père. Personne ne m'a jamais rien dit. As-tu remarqué que cette famille s'enferme dans ses secrets comme dans une forteresse ? Mes correspondants m'apportent de l'air, le vent de la mer, du désert. Comment les as-tu trouvés ? Celui-là, en répondant à une petite annonce. Et celui-là... Eh bien, en cherchant des traces d'Augustin. Ton demi-frère ? Tu ne sais pas où il est ? Pas vraiment. Il s'est engagé dans la Légion, en Algérie. Tu sais que l'Orient est notre passion. Je sais surtout que ton frère est un voyou. Il boit. Il vole de l'argent à ta mère. Et s'il a été obligé de partir, c'est pour une histoire de drogue, non ? Ne dis pas de mal d'Augustin. Il est... Plus que mon frère, c'est mon guide en tout. En tout ce qui est mauvais, tu veux dire ? Pour ce qui est bon, heureusement, il y a ton père. Pardon, ton tuteur. Tu n'aimes pas Augustin. Mais moi, je vous aime autant l'un que l'autre. Moi aussi, je t'aime. Ma sauvage jaune. Tu as beau mettre des pantalons et te raser les cheveux. Tu as beau faire croire que tu t'appelles Nicolas. Et même mentir. Oui, je sais que tu mens. Il n'empêche que tu es la plus franche, la plus honnête personne que je connaisse. Bien sûr que je suis honnête. Et la plus troublante aussi. Sais-tu que je connais au moins deux hommes qui rêvent de faire l'amour avec toi? Vraiment? Dis-moi, ça peut m'intéresser? Je croyais que seul ton frère t'intéressait. Chut, Vire, c'est sacré. Sacré? Vraiment? Pourvu qu'Augustin reste à jamais en Algérie. D'autant que je vais l'y rejoindre. Qu'est-ce que tu racontes? Surprise! Je vais voyager pour de vrai. Tu vas pas t'enfuir tout de même? Pas besoin. Ma mère est inquiète pour Augustin. Elle a demandé à un de nos amis de lui prêter sa maison à Beaune, en Algérie. Ta mère? Elle n'a pas des problèmes de santé? Elle pense que l'air de l'Afrique lui fera du bien. Et tu ne vas pas l'en dissuader, bien sûr. Tu vas me manquer, mon moineau. Je ne te laisserai pas m'oublier. Tu peux me croire. Ainsi, Isabelle Eberhardt découvre-t-elle l'Algérie au mois de mai 1897, à l'âge de 20 ans. Déjà initiée à l'arabe et fascinée par l'islam, elle n'en vit pas moins un choc esthétique et spirituel dont elle ne se remettra jamais. À peine arrivée à Beaune, aujourd'hui à Naba, la jeune fille et sa mère quittent le quartier européen, s'installent dans la ville arabe et se font musulmanes, sans aucune intention de rentrer à Genève. Ma chère Vera, te voici maintenant parmi mes correspondants, à subir ma manie d'écriture dont tu te moquais. Comme j'aimerais que tu me voies. J'ai troqué mon costume de matelot pour un long burnous blanc, qui te plairait, j'en suis sûre. Ce qui te plaira moins est qu'Augustin est sorti de son silence. Il vient d'être réformé par l'armée, ce qui va lui permettre de nous rejoindre. Mon bonheur serait donc parfait si maman se portait mieux. En fait, le climat ne lui vaut rien, mais je vois bien qu'elle décline. L'état de santé de Madame de Mörder laisse prévoir une fin prochaine, mais son décès le 28 novembre 1897 n'en est pas moins brutal pour sa fille. Désemparée, désargentée, Isabelle rentre à Genève. Vient le temps des incertitudes et des larmes. Suicide d'un de ses demi-frères, lente agonie de son tuteur, vente de la maison familiale, disparition de son héritage entre les mains d'un escroc. En deux ans, de drame en drame, les liens qui la retiennent à l'Europe se dénouent. Bientôt, il ne lui reste plus de sa terrible famille qu'Augustin, le frère maudit, avec lequel elle retourne en Algérie, terre d'un fantasme commun. C'est ainsi qu'ensemble, un soir d'été, ils s'aventurent dans le quartier le plus malfamé de la Casbah d'Alger. Augustin, c'est décidé. Cette fois, je pars dans le sud. Mais t'es dans le sud, ma bien-aimée. Regarde autour de toi. Non, je veux dire le vrai sud, le désert. J'ai trouvé une caravane. Pourquoi des caravaniers s'encombreraient-ils d'une demoiselle au nez retroussé? Dis-moi, je suis curieux. Je me suis fait passer pour un jeune Tunisien en voyage initiatique. Un faux arabe? Un peu dangereux, non? Non, du moment que je suis un vrai musulman. Musulmane, tu veux dire, ma chérie? Une musulmane habillée en garçon qui se promène à visage découvert dans les cafés, la nuit... Pour être une bonne musulmane, mon chéri, je me sens pas obligée de revêtir une gandoura et de rester cloîtrée. Ces mesures ont été imposées aux croyantes pour les conserver dans la pureté. Il suffit donc de pratiquer cette pureté pour en être exempté. Ce qui est d'autant plus méritoire que libre et non imposé. C'est ce que disent tes amis algériens? Certains, pas tous. Algériens, européens, ils sont tous pareils. Les hypocrites me condamnent. Les purs ne voient en moi qu'un croyant en quête de vérité. Et l'absinthe, le kiff, les amants? Ça fait partie de ta quête spirituelle? Je vais arrêter tout ça, bientôt. Mais pas ce soir. Tu Tu vois, c'est toujours comme ça. Dans la griserie de l'heure, j'oublie tout. Surtout l'avenir. Ou plutôt, l'avenir m'apparaît comme une continuation indéfinie du présent. Voilà une phrase pour un livre. Mais oui. Je vais tâcher de me la rappeler. J'ai commencé un roman, justement. Et puis un carnet de voyage aussi. Tu ne le sais pas, mais ma décision est prise. Je serai écrivain. Tu en rêvais, toi aussi, tu te souviens? Oui, c'est vrai, j'en rêvais, mais je suis trop paresseux. Écris, mon Isabelle. Écris pour moi, toi qui as le talent et le courage. Respire. Sens. Jouis. Les épices. Le kiff. La sueur de cette belle femme qui danse. Hey. Si nous passions la nuit avec elle. Regarde, elle nous invite. Ma caravane part demain. Et puis, elle pourrait bien avoir la syphilis, ta beauté. Et alors, cela compte pour toi? Nous mourrons jeunes tous les deux, je le sais. Alors? Tu as raison. Allons danser. Dix jours que je marche vers le sud au milieu des chameaux. Dix jours pour se dépouiller du passé. Plus de mer, plus de maison, plus de pays. Je suis maintenant Mahmoud Saadi, le jeune Tunisien qui cherche la vérité sur la route du Sahara et qui tremble de fièvre. La malaria, curieuse maladie. Je souffre, mais en même temps, je vois mieux les choses. Cette poussière dorée en suspension dans l'air. La virgule noire d'un scorpion sur une pierre. Le souffle tranquille de mon cheval. Vite, mon cahier. Écrire. C'est l'heure élue du pays d'Afrique. Quand le grand soleil de feu disparaît enfin. Laissant reposer la terre dans l'ombre bleue de la nuit. Le 4 août 1899, la caravane qu'Isabelle accompagne entre dans l'oasis d'El Oued, principale localité de la région du Souf. La jeune femme découvre l'Algérie du Sud et c'est pour elle une nouvelle révélation. Obligée de repartir dans le nord pour soigner sa malaria, elle jure de revenir. Un an plus tard, c'est chose faite. Cette fois, son intention est de tourner le dos non seulement à l'Europe, mais aussi à son frère, dont le récent mariage, qu'elle juge petit bourgeois, l'a déçu. C'est alors qu'elle rencontre un homme qui va infléchir le cours de sa vie. Pardon. Je vous en prie. Vous êtes la demoiselle russe? Non. Enfin, non et oui. D'abord, comment le savez-vous? On parle beaucoup de vous ici. Ah bon? Et que dit-on? Que vous êtes une riche aristocrate qui passe ses journées à cheval et ses soirées à boire. Je suis souvent à cheval, c'est vrai. Et oui, je bois trop. Le reste est faux. Je ne suis ni riche ni aristocrate. À dire vrai, je suis une bâtarde déshéritée. Qui vivote en essayant de vendre des articles à de vagues revues françaises. Vraiment? Ne le dites pas trop fort alors. Votre crédit dans les cafés en souffrirait. Je compte sur vous pour garder le secret. Vous allez de ce côté? Moi aussi. Dites-moi, d'habitude on me prend pour un Tunisien ou un Turc. C'est que je vous ai déjà remarqué. Et je me suis renseigné. Autrement, rassurez-vous, je n'aurais pas deviné la jeune femme sous le costume de cavalier arabe. Vous n'êtes donc pas si perspicace. Et si je vous dis que vous êtes un spahi de l'armée française, je ne le suis pas non plus. Je porte bien l'uniforme, n'est-ce pas? Fort bien. Et vous avez des yeux magnifiques. Vous me flattez? Non, je ne flatte jamais. Quand un homme me plaît, je le dis et je le prends. Cela aussi fait partie de votre réputation. Je ne le croyais pas. Vous allez vers la Zaouïa ? Oui, vous aussi ? Mais cette mosquée appartient au Qadiliya ? Une confrérie soufie, je sais. Et vous êtes initié ? Pas encore, je réfléchis. Le soufisme m'attire, il est vrai. Cette quête intérieure de la transformation de l'âme. Et vous ? Êtes-vous soufi, monsieur... Slimane Ehni. Oui, je le suis. Mademoiselle... Appelez-moi Mahmoud, je préfère. Ah, mais si je vous appelle Mahmoud, je ne pourrai pas tomber amoureux de vous. Essayez tout de même. Vous verrez que cela vient tout seul. Cher petit frère, j'ai sous les yeux ce que j'aime le plus dans le sud. Une oasis, un puits et tous ceux qui en vivent. Chameliers, bédouins, mendiants, esclaves. C'est bien l'endroit idéal pour t'apprendre la grande nouvelle. Je vais me marier. Oui. Il te plaira, j'en suis sûre. Bon camarade. Caractère doux. Amant voluptueux. Slimane sera un époux idéal pour moi. Et c'est un croyant sincère. Grâce à lui, j'ai pu être initiée au soufisme. Tu t'en doutes, nous marier ne sera pas facile. Ici, les Français me soupçonnent de vouloir soulever les Arabes, et les Arabes de vouloir les infiltrer pour le compte des Français. Enfin, pas tous, heureusement. Nous avons aussi de vrais amis, des deux côtés. Mais pour compliquer encore les choses, il y a des rivalités entre les confréries, si bien que... Qu'est-ce que... Mais... Je saigne. À l'aide ! À l'aide ! Cet homme ! Il m'a frappé ! Il veut me tuer ! Je vois plus rien. Je vais tomber. Le coup de sabre qu'Isabelle reçoit le 3 février 1901 n'est pas mortel et la jeune femme va refuser de porter plainte. Mais les autorités coloniales ne veulent pas laisser impuni ce qu'elles pensent être un attentat dirigé contre la France. Isabelle a beau faire valoir que le mobile de son assassin reste strictement religieux, la justice suit son cours. Tu as lu ça, Slimane ? Le compte-rendu du procès ? Je ne sais pas si j'ai envie de le lire. Le journaliste écrit « Mademoiselle Eberhardt, qui est riche, cultivée et multiplie les excentricités, pourrait employer ses talents autrement qu'en s'affiliant aux sectes du Sud. Tu te rends compte ?» Mais je ne comprends pas pourquoi tu t'indignes. Tu t'habilles en garçon. Tu te montres partout dans les cafés arabes. Tu bois, tu fumes. Ce n'est pas une raison pour être prise pour quelqu'un que je ne suis pas. Je vais répondre à ce journaliste. Lui dire que je m'habille en garçon parce que c'est plus commode pour monter à cheval, tout bêtement. Et que je suis musulmane depuis longtemps. Pourquoi te justifier ? Ceux qui t'aiment savent cela. Si j'en crois la presse, personne ne m'aime. Je ne lis que des moqueries, des soupçons. Attends. Écoute. Les idées de Mademoiselle Eberhardt peuvent choquer nos instincts timides et bien élevés, mais il n'y a rien en elles de condamnable. Tu vois ? Qui a écrit ça ? Je cherche. Ah, là. Victor Barucan. On a parlé. Un libre penseur qui vient d'acheter l'Arbar, tu sais, le journal bilingue. N'oublie pas son nom. Il est de ceux qui trouvent bien qu'un Arabe et une Européenne fondent ensemble une famille. Envoyé en Algérie par la Ligue des droits de l'homme, le journaliste Victor Barucan n'est pas le seul, en effet, à envisager l'Algérie française sous la perspective d'un rapprochement des cultures. C'est pourquoi, malgré les efforts de certains colons pour la faire expulser, Isabelle Eberhardt est-elle en fin de compte autorisée à épouser le sergent Slimane Ehni, ce qu'elle fait le 28 août 1901. Peu après, Slimane obtient un poste d'interprète militaire dans la petite ville côtière de Ténès, où les jeunes mariés s'installent pour y mener la vie tranquille dont ils croyaient rêver. J'ai enlevé mon burnous, enfilé une robe, caché mes cheveux courts. Je suis femme de fonctionnaire, naturalisée française. En somme, je suis heureuse. Je n'avais pas prévu que le bonheur serait aussi ennuyeux. Et la vie de garnison aussi empoisonnée. Ce ne sont pas les soldats le pire, ni les officiers. Ce sont leurs épouses. Stupides troupeaux de femelles névrosées. Je ne peux tout de même pas m'enfuir. Slimane a besoin de moi. Non. Non. Mon seul espoir, c'est ce type que je vois demain. Monsieur Barucan, je suis... Ah, la jeune femme qu'on a assassinée. Vous avez pris ma défense. Je tenais à vous en remercier. Inutile. Vous défendre est une question d'idéologie pour moi. Oh, ne vous méprenez pas. Je ne fais pas de politique. Ah bon ? Vous avez pourtant écrit quelque chose sur la fiscalité imposée aux Arabes, non ? Juste une colère. Le plus souvent, je ne recherche que la paix. Et la sérénité. Sérénité ? Pardonnez-moi, mais ce n'est pas le premier mot qui vient à l'esprit à votre sujet. Audace, passion, oui. Folie, peut-être. Mais sérénité, non. On vous a parlé de mes excès, je le devine. Dites-moi si l'on a menti. Non. Mais je me suis mariée, vous le savez aussi, sans doute. Les folies, c'est fini. J'entends du regret dans votre voix. Vraiment ? Non. Non, non, je ne veux rien d'autre qu'écrire à présent. C'est pourquoi je suis là. Si vous voulez bien regarder ces quelques pages... Avec plaisir. Je cherche des collaborateurs. Un ami commun me l'a dit. Robert Arnaud. Robert ? Oui. Un esprit libre. Et un bon écrivain. Montrez-moi. La vie du Fela est monotone et triste, comme les routes de son pays qui serpentent à l'infini entre les collines arides. Vous avez du style. Vous verrez plus loin que cette phrase est surtout un avertissement. Je n'écris pas ce que l'on cherche d'habitude dans les histoires arabes. Ni fantasia, ni intrigue. Rien que de la misère, tombant goutte à goutte. La misère m'intéresse, Madame Harney. Ou Mahmoud. Ou Isabelle, que dois-je dire ? Choisissez. Je réponds à ces trois noms. Et à d'autres. Ah, Robert. Justement, nous parlions de toi. Vous connaissez, je crois. Mahmoud, vous êtes venu, finalement. Monsieur Barucan a bien voulu regarder mes textes. Je vais les lire à tête reposée, promis. À bientôt, donc, Mahmoud. Je vous laisse la place, Robert. Quel étrange personnage. Séduisant, n'est-ce pas ? Indéfinissable. Je la classerais bien parmi les invertis ou les androgynes. Elle est complètement plate, tu as noté. Ne t'y trompe pas, elle est très femme. Et tu l'imagines, elle n'a pas la vie facile, Athénès. Si tu pouvais lui trouver un exutoire... Elle écrit bien. Un peu trop lyrique, peut-être, enfin, cela a son charme. Et elle connaît toutes les strates de la société algérienne. C'est un atout rare. Elle ferait un bon reporter. Le mieux serait de l'envoyer dans le sud. C'est là qu'elle veut aller. Et elle est prête à prendre tous les risques. Sois-en sûr. Ah, j'ai besoin de quelqu'un du côté d'Aïn Sefra. Les nomades berbères ont attaqué la légion à Edmungar. Il y a des morts, des blessés. Et Lyoté... Lyoté le colonel ? Fraîchement nommé en Algérie, ai-je appris. Et fraîchement promu général. Un personnage intéressant. Il a des idées sur la colonisation plutôt avancées. Hubert Lyoté, que ses origines sociales vouaient à une carrière d'officier réactionnaire, a beaucoup évolué au fil de ses expériences sur le terrain, en Indochine puis à Madagascar. À 49 ans, il est maintenant un ardent défenseur des échanges culturels, sans lesquels, pense-t-il, aucune administration coloniale n'est possible. Ses réussites ont convaincu le gouverneur de l'Algérie de faire appel à lui pour traiter le problème de ce qu'on appelle alors les rébellions qui agitent la frontière marocaine. En septembre 1903, Lyoté se trouve à Aïn Sefra, le point le plus avancé de la pénétration française en Oranie, pour prendre la mesure de la situation. C'est là qu'il rencontre Isabelle, à présent reporter pour l'Akbar. Général Lyoté, pourriez-vous résumer votre plan d'action pour nos lecteurs ? Je ne sais pas si je dois vous répondre. Mahmoud, c'est cela ? On vient tout juste de me mettre en garde. Vous seriez, paraît-il, une séductrice à la solde des Anglais. Vous semblez ne pas y croire, général. Aussi est-il inutile que je me défende. Par chance, j'ai entendu sur vous des commentaires plus sympathiques et plus fiables. Vous êtes une originale, certainement, mais plutôt naïve. Naïve, oui, sans doute. Et vous ? On dit que vous aimez l'Orient, n'est-ce pas naïf ? Peut-être. Mais parmi nos amis arabes aussi, il y a des gens qui rêvent de voir l'union de nos deux civilisations produire le meilleur. Je préfère ces naïfs-là aux médiocres, qui voient en tout français un diable, ou en tout arabe un demeuré. Discutons de ce rêve général, pour nos lecteurs. Je ne demande pas mieux, mais en échange... Je n'ai rien à te donner en échange, je suis désolée. Ne craignez rien. Restez vous-même, cela suffit. Votre simple existence est déjà un programme de tolérance mutuelle. Vous ne connaissez pas Ténès. On me hait là-bas. Là-bas, dans le Nord, mais moi je parle d'ici. C'est cela que je vous demande en échange de votre interview. De voyager dans le Sud en restant vous-même. Circulez librement. Parlez de votre islam, de votre mariage. Personne ne vous fera d'ennui. Vous avez ma parole. Le Sahara. Je l'aime. Oui. D'un amour obscur, inexplicable, indestructible. Ce soleil terne, cette réverbération qui semble émaner d'un brasier intérieur, ces dunes qui montent vers le Djebel comme des vagues déferlantes, cette haleine de sécheresse. Vite, écrire. Cette haleine de sécheresse. Les textes écrits par Isabelle Eberhardt à la fin de l'année 1903 sont parmi ses plus beaux. Réunis sous le titre « Impressions du Sud oranais », ils évoquent son vagabondage à l'orée du Grand Désert pour un reportage informel que permet la protection des soldats de Lyoté. La malaria, une nouvelle fois, l'oblige à regagner Alger, où elle retrouve Slimane, mais c'est pour revenir dans le Sud dès le mois de mai 1904, cette fois accompagnée de Victor Barucan. Le général Lyoté revient, lui, de la frontière marocaine, où il a fondé le poste militaire de Colombéchard. Alors, Barucan, êtes-vous satisfait de votre reporter ? Plus que satisfait, mon général. Mahmoud a une capacité à sentir l'âme des paysages, à voir l'aura du moindre mendiant, de la moindre prostituée. Je n'aime pas ce que vous dites, Victor. Vous me décrivez comme une banale orientaliste, ce que je ne veux pas être. Perpétuelle insatisfaite. Je l'admets. Je ne sais jamais si un texte est fini. Et dans ma malle, j'en ai des tonnes. Que des bouts d'histoire que je trimballe partout sans jamais y mettre un point final. Quelle importance, vous êtes si jeune, vous avez bien le temps. Ah, pas moi. J'ai un journal à faire tourner. Bon, justement. Que diriez-vous d'un nouveau reportage, Mahmoud ? Au-delà même de la frontière marocaine. La frontière ? Elle n'existe pas, la frontière. Et personne ne s'en soucie. Car l'absence de tracé convient au caractère arabe. C'est une réalité, j'en conviens, mais il y en a une autre, la colonisation. Vous connaissez les Yanias ? Une confrérie berbère, hostile. Dirigée par un marabout apparenté au soufisme. Leur centre est la Zaouïa de Kanatsa, un petit état théocratique du côté marocain. Ne comptez pas sur moi pour faire de l'espionnage, général. Je n'ai pas besoin d'une espionne, je veux juste que vous parliez avec ce marabout. Parlez, c'est tout. Je ne vous demanderai rien au retour que vous n'ayez envie de me dire. Mais, mon général, aucun Européen n'est jamais entré dans cette Zaouïa, que je sache. La règle y est, dit-on, très austère. Cela vous fait-il peur, Isabelle ? Quelle raison aurais-je d'avoir peur ? Je suis soufie. Les seuls mystères qui m'effraient sont au fond de mon âme. Alors partez à Kanatsa et restez-y le temps qu'il vous plaira. Trop occupée à sonder les mystères de son âme, Isabelle Eberhardt ne va rien trouver à Kanatsa qui soit utile à Lyoté. Ses conversations avec le marabout de la confrérie Zinaïa ont pourtant lieu, mais elle écoute les enseignements du vieux sage plutôt qu'elle ne lui parle et se présente en élève plus qu'en journaliste. C'est lui qui, finalement, demandera à la jeune femme de partir soigner la fièvre qui la ronge encore une fois. En octobre 1904, Isabelle Eberhardt entre à l'hôpital d'Aïn Sefra, situé au centre du poste militaire qui surplombe la ville. Ah, général, c'est gentil de venir voir une pauvre malade. Je ne suis pas le seul, paraît-il, et de loin. J'ai quelques amis parmi les légionnaires. Trop, sans doute. Selon le médecin... Je sens que vous allez me gronder. Affectueusement. Isabelle, si vous ne changez pas d'habitude... C'est fait, rassurez-vous. Je suis désormais un modèle de sagesse. La rumeur dit le contraire. On vous aurait vu il y a 3 jours dans un genre de bouge, pour ne pas dire bordel. Ah bon ? Oh. Ah oui, magnifique moment. La musique des bijoux d'argent, le parfum de cannelle, les regards échangés entre les spahis et les prostituées. J'en ai fait une belle page, je crois. Ne pouvez-vous écrire sans vous détruire ? Je commence demain. Moustiquaire, désinfectant, sommeil, abstinence. Je suis fin prête. Oui, le médecin me dit que vous voulez un bon de sortie. C'est déjà une imprudence. C'est que mon mari arrive par le train ce soir. Mais ne vous inquiétez pas. J'ai loué une maison au bord de l'Oued. Nous allons nous enfermer tranquillement tous les deux. Et votre traitement ? Je reviens demain, sans faute. Le train de Slimane. Vite, il faut que je parte. Vous me promettez de passer toute la nuit chez vous ? Chez moi, oui, en général. Je n'ai pas de chez moi. Parfois, il est vrai, j'en viens à désirer de ne plus bouger et que la somnolence puisse durer toujours. Mais je sais que la fièvre d'errer me reprendra, que je m'en irai. Ce qui parle en moi, c'est un esprit d'agitation pour qui la terre est trop étroite, qui n'a pas su trouver en lui-même son univers. Tiens, l'Oued a grossi. C'est qu'il y a eu des orages dans la montagne là-bas. Comme j'aime ce mot, là-bas. Isabelle Eberhardt, La Vagabonde des Sables de Christelle Mouchard. Avec Isabelle Eberhardt, Tatiana Spivakova, Vera Anouk Siboni, Augustin Gabriel Mireté, Slimane Henny, Nadir El Arabi, Victor Barucan, François Burlou, Robert Arnaud, Elia Birman, Hubert Lyotet, Jean-Paul Borde, Un Soldat, Benoît Chauvin. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Éric Villenfin et Dofar Guéride, assistante à la réalisation Laure Chastan, réalisation Cédric Aussire. Karel Ménine, Isabelle Eberhardt, alias Sir Mahmoud, est donc morte en 1904 à l'âge de 27 ans. Quel personnage fascinant. On peut se demander ce qu'elle serait devenue si elle avait vécu. Enfin, c'est toujours une question qu'on se pose, surtout pour quelqu'un qui est parti si jeune. À cette date, est-ce qu'elle est connue en Suisse ou en France comme journaliste ou comme écrivaine ? Pas du tout. Le grand problème d'Isabelle Eberhardt, en dehors de ce problème que ça pose pour elle-même, c'est d'être morte jeune, et c'est très difficile de défendre une œuvre lorsqu'on disparaît à 27 ans. Alors vous avez dans cette fiction parlé de la rencontre entre Isabelle Eberhardt et Victor Barucan. Voilà un personnage complexe. Alors moi je ne me place pas en experte d'Isabelle Eberhardt parce que c'est très difficile de se dire experte d'Isabelle Eberhardt. C'est une œuvre multiforme avec beaucoup de parts d'ombre et de doute. Mais je suis quelqu'un de formation d'historienne, et je vais travailler avec les archives. Donc je suis allée voir les archives. Et il est évident, quand on regarde les archives, et notamment ces fameux manuscrits que le général Lyotet est allé chercher dans le cours de l'Oued, dans la boue, ouais. Qui portent encore des traces de sable, lorsqu'on les a dans les mains. Voit. Oui, vraiment. Très émouvant, ouais. Ce sont des manuscrits qui ont été corrigés par Victor Barucan. Donc après coup, il a édité l'œuvre d'Isabelle Eberhardt, mais il a fait ce que faisait un rédacteur en chef sur une jeune journaliste de son époque. Ouais. Il réécrivait. Donc c'est très compliqué parce qu'il a parfois barré ses phrases, parfois il a collé des choses dessus. Il y a également un autre personnage qui a publié une partie de l'œuvre d'Isabelle Eberhardt. Ce sont des conflits complexes, mais on va dire que parler d'Isabelle Eberhardt aujourd'hui, c'est essayer d'enlever toutes les couches qui font obstruction à l'œuvre littéraire. Et c'est bien de ça qu'il s'agit, en dehors de la place qu'elle a en tant que femme, avec une forte capacité d'être libre, de s'imposer dans cette volonté d'être libre. C'était une écrivain qui n'a fait qu'écrire, dans des conditions qu'on peut imaginer à l'époque, effectivement au milieu du désert, pauvre, travaillant avec un petit bout de crayon, mais assoiffée de faire œuvre pour raconter le monde qu'elle voit, mais non pas à la manière d'un Pierre Loti, qui était effectivement un modèle pour elle, mais à la différence de Pierre Loti et de beaucoup de ses écrivains voyageurs, Isabelle Eberhardt est quelqu'un d'extrêmement précis, qui prépare son territoire et son voyage de manière très précise, très scientifique. Elle connaît la langue, elle va étudier la religion. Elle est experte de l'endroit où elle se rend, donc notamment toute cette Afrique du Nord, et elle vit avec les indigènes. Elle n'est pas vraiment naïve, comme elle le dit à un moment. Il y a peut-être une forme de naïveté dans le fait de partir comme ça à 20 ans. Il y a évidemment une découverte, mais elle connaît, elle sait où elle va. Elle sait où elle met les pieds et elle va vivre avec. Elle est avant un Joseph Kessel, avant un Sandrard, et elle est bien plus encline à vivre avec l'autre pour pouvoir le raconter. Elle est jamais en extérieur, d'où le fait effectivement que c'est pas l'existentialisme ou l'orientalisme poétique qui l'intéresse, c'est vraiment un existentialisme humaniste au contact de la réalité. Donc c'est une enquêtrice, c'est une reporter de terrain qui ouvre, on va dire, le boulevard à énormément d'autres reporters derrière ça. Et évidemment qu'elle porte aussi ses multiples identités. Alors Mahmoud Saadi, Isabelle Eberhardt, mais je pense que ça la qualifie aussi sur un autre endroit, qui est que elle dénonce tous les codes identitaires, sociaux, culturels et autres. Le moi qu'elle utilise en littérature, c'est un moi du il et du elle. Elle souvent, dit les deux. Elle dans son écriture, elle dit je, mais au masculin. C'est tout à fait. Elle écrit des textes entiers au masculin. Et d'ailleurs, lorsque moi j'ai présenté quelques extraits de ses documents dans cette exposition à Genève en 2019, il y avait un monsieur qui était là, qui était égyptien, et qui lisait devant moi un texte arabe. Et il était perdu. Il me disait, alors c'est une écriture sublime. Il me dit, mais je comprends pas, c'est qui? C'est un garçon? C'est une fille? Tout est mélangé. Et c'est exactement Eberhardt. C'est exactement ce qu'elle veut. Tout à fait. Les identités ne l'intéressent pas. Alors, on l'a aussi qualifié d'être contre la colonisation. On pourrait dire cette écriture indigénophile qui se mettait du côté des indigènes. C'est pas non plus sa place. C'est quelqu'un qui va observer le monde chrétien et le monde musulman, qui va observer leur caractère, leur particularité, leur beauté, leur force, leur faiblesse, qui va surtout nous dire, ça ne sert à rien d'essayer de les fondre. Voilà, cette Algérie française, toute cette idée de colonisation où on va essayer de s'influencer les uns les autres, c'est une cause perdue. Il vaut mieux observer la richesse de ce monde arabe, dont elle tombe amoureuse parce qu'il a une élégance de pensée, et notamment, effectivement, auprès des maîtres soufis qu'elle va prendre pour frères. Mais elle va discuter avec eux d'homme à homme, mettez un H à ce mot homme. Quand il faut être homme, elle prend cette identité-là. Ben disons qu'à l'époque, si on veut parler choses intelligentes et non pas de cuisine et d'enfants, il faut aller là où les hommes se trouvent. Parce que nous, les femmes, à l'époque, on était bien en peine de pouvoir lire et faire café et prendre le temps de discuter de l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle elle se déguise en homme. C'est pas... On lui a donné toutes sortes d'identités de travestie autre, mais ce qui l'intéresse, c'est d'être libre, et c'est vraiment ce qui la qualifie, et donc il fallait qu'elle aille là où elle pouvait aller, en homme. Et cet amour de l'humain qu'elle a, le monde arabe va l'accueillir. Là où, par exemple, elle se fait arrêter par la police à Genève, qui l'arrête parce qu'elle se comporte en homme, et j'ai vu les fiches d'arrestation, et c'est noté qu'elle porte un pardessus masculin, qu'elle marche comme un homme, et donc ça n'est pas correct, parce qu'on ne devait de toute façon pas circuler femme seule dans la rue si on n'était pas accompagnée par un homme. Le monde arabe va lui accorder une autre liberté. Et sur sa tombe, dans ce désert d'Aïn Zefra, ces deux noms de plumes sont inscrits, c'est Mahmoud Saadi et Isabelle Eberhardt. C'est Général Lyotet qui le demande. Qui va insister pour ça. Est-ce que la société était vraiment d'accord? Enfin, on n'en sait rien. Il y a dû y avoir des réticences aussi du côté de la société algérienne. Très certainement, mais sa tombe est toujours là avec ces deux noms. Et donc c'est une tombe musulmane dans un carré de désert qui porte ces deux noms pour un même corps. Alors, cela étant, ça me permet aussi de glisser, moi, un doute, c'est qu'on dit tout le temps qu'elle est morte à 27 ans, noyée dans le cru de l'Oued. Il y a plusieurs versions de est-ce que sa maison était ici, est-ce que sa maison était là. Mais il n'est pas dit qu'elle soit morte, noyée. C'est-à-dire, c'est la version qu'on nous donne. Moi, je veux bien la croire, mais là aussi, on n'aura jamais la preuve définitive. Elle dérangeait, ça c'est sûr. Ce qui est exact, c'est que la mort arrête une œuvre littéraire qui reste à replacer dans le champ de la littérature. Et c'est à cet endroit que Isabelle Eberhardt manque. Elle a une écriture d'une grande précision. Elle utilise les mots arabes dans ses textes parce qu'elle veut justement nous mettre dans le contexte, mais non pas nous perdre. Elle écrit en français, donc elle sait qu'elle veut aussi essentiellement que des francophones la lisent. Et elle va déployer une écriture que moi j'appellerais de cinématographique, c'est-à-dire qu'elle va vous parler des paysages comme ceci, ces paysages tourmentés, collines aux contours rudes, rougeâtres ou grises, fondrières profondes, chevauchées de pins maritimes et de figuiers de Barbarie, grises et mornes, verdure luxuriante, presque déconcertante en ce milieu d'hiver, lagunes salées, surfaces d'un gris de plomb, immobiles et mortes, etc., etc. Vous avez une écriture qui vous déploie un tapis d'images comme ça, qui vous emmène très très loin, et ça c'est la force d'Eberhardt. Elle fait aussi une œuvre d'humanisme parce qu'elle vous parle de l'âme, de qu'est-ce qu'être un être humain, qu'est-ce qu'être solitaire face à l'humanité et l'immensité de l'humanité, et tous ces points sont à lire aujourd'hui, notamment au regard de notre conflit intellectuel, culturel vis-à-vis du monde arabe. Elle serait atterrée de voir comment on parle du monde arabe aujourd'hui, parce qu'elle n'avait qu'un mot qui était fraternité. Oui. L'humanité. Oui, la Méditerranée est un isthme et non pas un tombeau. Et on l'a bien oublié, et c'est à cet endroit qu'il faut la relire aussi, c'est parce qu'elle nous ramène des réponses qui nous manquent. Merci beaucoup, Karel Menin. Sur Isabelle Eberhardt, on peut lire de Marie-Odile Delacour et Jean-René Huleux, Le voyage soufi d'Isabelle Eberhardt, publié chez Losfeld en 2008, et de Tiffany Tavernier, une biographie publiée chez Talendier en 2016. Et bien sûr, il faut lire Isabelle Eberhardt, l'essentiel de ses œuvres est disponible aux éditions Joël Losfeld.